des frères, mais c'est chacun son cartel. Tu veux nous approcher, tu vas très vite t'écarter. Ils veulent la guerre, y'a pas de souci, on va se les faire. On va se les faire, tu crois qu'on va se laisser faire. Plus en fond, tu dans le barrio. La frappe de l'ancien, 5 frères, 5 glocks. Si tu fais le malsain, pyromane de naissance, et je fuck toute ta descendance. Frérot, jusqu'à la mort, pour vous, je peux trouver des corps. En cas de bourdée, toujours armé pour la famille, toujours soudé. Ton quartier, on va le retourner, prendre ton terrain et piétiner. Tu me fais pitié, rock piétiner, canon scié, immunisé. Trop protégé, sous calumet, mais je suis trop pété. On est des frères, mais c'est chacun son cartel. Tu veux nous approcher, tu vas très vite t'écarter. Ils veulent la guerre, y'a pas de soucis, on va se les faire. On va se les faire, tu crois qu'on va se laisser faire. Plus en fond, tu dans le barrio. Plus en le bas dans le barrio. Faut que j'ai fait tout le monde des dinero. Pour être comme lui, faut s'abonner. Y'a que des trafiquants, que des trafiquantes. T'es en manque de quoi, on va t'alimenter. Vous faites pas de bénéf, vous vous la racontez. J'plaise, j'récupère, hey, comme un golo canté. Faut pas parler chinois. Appliqué dans ce genre de choses. Au beau, ça prend jamais de pause. Et c'est rien, on te fait la peau. Parlons pas business, suis toi-même tes faux. Me rincer ton patin à tôt. Ça sert à rien que tu joues les taux. À mon avis, c'est mieux que tu vas chercher un job, oui. Je voudrais avoir le bénéfice et la copine à Pablo. T'as raté, il tourne pas, ça fait des gros mains, ouais, c'est chaud. Je voudrais avoir le bénéfice et la copine à Pablo. T'as raté, il tourne pas, ça fait des gros mains, ouais, c'est chaud. On est des frères, mais c'est chacun son cartel. Approcher, tu vas très vite t'écarter. Ils veulent la guerre, y'a pas de soucis, on va se les faire. On va se les faire, tu crois qu'on va se laisser faire.